tailles et de toutes les couleurs. Elle soufflait comme un vieux cheval et marchait si lentement que de ma fenêtre je la suivais des yeux pendant une heure. Le vieux qui la conduisait portait une blouse grise et boitait. Lequel des deux était le plus triste? Il choisissait un coin de trottoir pour installer son bazar et la chèvre faisait un tour de piste. La vieille chèvre de mon enfance qui me donnait envie de pleurer chaque fois qu'on peine pour avancer. J'y pense, elle était lenteur et silence, comme on lui avait appris quand on court et quand on crie. J'y pense. Entre ses oreilles, elle avait une grosse fleur rouge en papier et des grelots autour de son collier. Le vieux soufflait dans un clairon pour ameuter la population. Je descendais avec mon porte-monnaie. Un cube sur l'autre, toujours plus haut. Fallait qu'elle monte et ses sabots glissaient un peu. J'avais très peur. Elle grimpait sur sa petite pyramide, la tête baissée, les yeux vides. Ses pattes tremblaient toujours plus fort. La vieille chèvre de mon enfance qui me donnait envie de mourir quand il faut trimer sans rien dire. J'y pense, elle était douleur et patience à force de coups sur le dos quand on secoue nos barreaux. J'y pense. Quand elle arrivait tout en haut, elle serrait ses quatre sabots sur le petit cube couvert de paillettes. Le vieux faisait signe d'applaudir, je souhaitais très fort le voir mourir. Il disait bravo madame Ginette. D'un bond elle redescendait, alors le vieux faisait claquer son fouet et Ginette faisait la révérence. Puis tenant serré dans ses mâchoires le chapeau mou du vieillard, elle faisait le tour de l'assistance. La vieille chèvre de mon enfance qui me donnait envie de frapper chaque fois qu'on veut nous écraser. J'y pense, elle était l'obéissance, rançon de sa tranquillité chaque fois qu'on va se révolter. J'y penserai chaque fois qu'on va se révolter. J'y penserai.